Lundi, le journal Le Quotidien nous apprenait que la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo, qui a lieu en février, ben, ce serait peut-être menacé suite à un échec de négociation entre les trois villes de Dolbeau-Mistassini, Roberval et Saint-Félicien pour engager une ressource qui aurait chapeauté cette activité-là, qui a organisé cette activité-là, et en plus de trois autres organisations. Cependant, le maire de Roberval, Sabin Côté, lui, aimerait beaucoup sauver cette traversée. On lui parle. Salut, Sabin! Bonjour, M. Veilleux. Sabin, si on parlait un peu de ces négociations qui ont échoué, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre les trois villes pour avoir une échec et pour trouver une ressource pour l'activité de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean et d'autres activités? Bien, on peut pas vraiment particulièrement parler d'échec. En fait, les trois villes, on était en pourparlers parce que les trois villes, on a des événements vélo. Ouais. Donc, il y a le challenge cycliste du côté de Dolbeau-Mistassini. Il y a le raid et la coupe de descente de vélo de montagne à Saint-Félicien, donc à Totoboski. Et nous, de notre côté, on avait l'activité de la traversée du lac à vélo en hiver. On a commencé à entamer des discussions pour être capable de diminuer, je dirais, la précarité qu'il peut y avoir à se laisser supporter là principalement ces activités-là par des bénévoles. Donc les trois activités présentent une certaine précarité par rapport à l'implication de différents individus. On sait que bon, M. Lecointe avait beaucoup investi et a mené ça là, de main de maître pendant ouais. plusieurs années, et que la Véloroute de notre côté bon a décidé de ne plus porter ce projet-là. Donc, on s'est dit, bon, ben, essayons de voir comment les trois villes, on peut se regrouper puis voir sur quel terrain d'entente on peut travailler pour avoir un coordonnateur qui viendrait nous appuyer dans ces démarches-là. Okay. Donc, il n'y a pas de bris de communication pour le moment. On reste en discussion. Le fait est que bon, les autres activités sont en période estivale et nous, la nôtre s'en vient à grands pas en février. On n'a pas encore trouvé vraiment de formule gagnante pour tout le monde. Les MRC sont impliqués là-dedans, mais là, Ville-Roberval, moi, ben, évidemment, j'ai sonné un peu davantage l'alarme pour dire là, moi, ça me prend, hein, ça me prend des gens oui. dynamisés à l'intérieur d'un comité le plus rapidement possible. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette année, on va se trouver un porteur pour le projet, pour s'assurer que la relance, qu'il n'y ait pas de bris là, dans l'événement, puis qu'on soit capable d'assurer encore une fois une édition cette année. Ça fait que on travaille d'arrache-pied. Je suis en contact évidemment avec Pascal Souti et avec Jeannot Tremblay là, dans votre ouais. coin, qui porte là l'événement cycliste aussi. De votre milieu. Puis on est en train d'analyser un autre gros changement, c'est que l'arrivée ou le départ là, des activités de traversée, parce que ça impacte aussi la course Crio qu'on a réussi à lancer l'an passé. M. Cloutier du côté de Dolbeau-Mistassini est intéressé à recevoir les activités là au centre Crio touristique de Vauvert. Donc on a aussi cette mécanique-là là, à revoir pour cette année. Fait que On travaille d'arrache-pied à s'assurer que tout se passe bien pour l'édition de cette année. OK. Évidemment, cette précarité-là est tombée parce que la Véloroute des Bleuets a décidé d'aller vers d'autres projets, puis c'est bien correct. Mais c'était quoi l'implication des Véloroutes des Bleuets? Est-ce que c'était majeur? Oui, l'implication était quand même considérable. Okay. Comme je vous dis, David ne comptait pas son temps de ouais. bénévolat. Et bon, il pouvait compter aussi sur le support de certaines ressources dans son organisation. De mémoire, l'implication financière est à la hauteur de l'implication financière directe est à la hauteur d'une vingtaine de mille de dollars de la part de la Véloroute. Okay. Mais il y avait tout là, si on veut, la mécanique opérationnelle qui tournait autour de ça. Donc David avait lui formé son groupe de bénévoles qui gravitait autour de l'activité. Donc, on repart de la même base et David est encore évidemment disposé à nous apporter du support. Il peut juste plus par la nature de sa fonction guider la démarche. Fait que il est temps qu'on passe à une autre page d'histoire, puis à une autre façon de faire pour cette activité-là. Mais je vous dirais que la rencontre était quand même fructueuse, même si on n'a pas encore tout à fait trouvé la clé du succès pour les quatre événements. Mais Tout le monde là, sur le plan politique, autant M. Marie-Chapdelaine, Domaine du Roi, que les trois grandes villes, Saint-Félicien, Robertval et Dolbeau-Mistassini, on croit très important de maintenir cette activité-là parce que on mise beaucoup sur le tourisme d'hiver. Il faut maintenir nos acquis. C'est déjà ça la première étape. Puis l'activité a atteint des niveaux d'envergure internationale. Puis il faut réussir à la démocratiser le plus possible pour donner l'accès à la population à ce sport-là qui est en émergence au niveau du short bike en période hivernale. Donc tout le monde est à la même place. On veut que ce soit maintenu, on veut que ce soit une réussite. Il faut juste trouver la bonne formule et le bon groupe de gens impliqués pour que ça perdure dans le temps. Parce qu'ici à Dolbeau-Mistassini, il y a quand même, je sais pas c'est quoi, mais il y a quand même du tourisme. On a engagé une ressource en tourisme, puis ça touche notre secteur aussi, donc certainement qu'on doit être ouvert. Définitif. Puis la volonté de M. Cloutier et la volonté de M. Simard aussi à la MSC est de développer le maximum possible le tourisme d'hiver. D'ailleurs, avec la démarche là, pour les ponts sur les grandes rivières, ça va favoriser aussi la dynamique récréo-touristique de motoneige dans votre secteur. Et je sais que Pascal veut dynamiser toute l'infrastructure du centre récréo-touristique de Vauvert. Oui. Ça fonctionne à plein en été, évidemment, comme n'importe quel autre camping autour du lac Saint-Jean. Les campings sont full au bouchon. Maintenant, nos infrastructures récréotouristiques, comment ça fait de dynamiser quatre saisons? C'est à ça qu'on travaille. Là, on a parlé de réduire de 140 000 à 70 000, je pense, le budget d'opération de la traversée. Comment vous allez faire? Est-ce que... c'est ce qu'il nous reste à définir là. Okay. Comment l'édition va se développer, comment l'édition va se déployer, puis comment on est capable de travailler avec un cadre budgétaire qui est peut-être plus raisonnable, mais qui permet quand même d'atteindre les cibles qu'on se donne là à maintenir l'activité. C'est ce qui reste à travailler. C'est là-dessus que travaille les ressources là. C'est là-dessus que travaille Simon Ouellet, Alexandre Danieli, Jeannot Tremblay, donc la gang de gars vélo là, que je m'amuse à les appeler. La traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage, celle qu'on connaît, ils ont des permanents. Il n'y aurait pas moyen d'annexer les deux organisations pour vraiment travailler en synergie? Ben, votre question est bonne, puis la réflexion est très à propos. Nous, on s'est posé la question avant d'emboîter le pas là, pour essayer de faire une démarche de concertation tourisme-vélo, à savoir si du côté de Robertval, on n'allait pas davantage travailler sur une dimension traversée du lac. Ouais. Mais c'est difficile de mailler un festival avec des événements. Puis la mobilisation des ressources au niveau vélo est quand même là. Le dynamisme là, du côté de Martin Demers également. Puis Simon Leroy, c'est quand même l'organisateur du premier critérium qui a eu lieu là, à la traversée du lac Saint-Jean cette année. Puis c'est clair, net et précis que Simon veut propulser une deuxième édition pour le critérium de vélo sur route. Donc on sent là qu'il y a des gens impliqués, intéressés et dynamiques dans ce créneau-là. Donc, notre job comme politique, c'est de s'assurer qu'ils ont le support financier nécessaire puis les infrastructures en place nécessaires. Mais j'ai discuté d'ailleurs pas plus tard que ce matin là, avec Jérémy Boineau par rapport à cette réalité-là. Je vous dirais que ce que Jérémy me ramène, c'est un peu... Il y a un modèle qui est peut-être intéressant à analyser. Pour les municipalités du lac Saint-Jean, c'est le modèle de lac Mégantic qui a une coordination des festivals. Alma travaille aussi comme ça avec Festivalma. Donc Festivalma, notre groupe, a une coordonnatrice qui s'occupe de différentes activités festivalières. Ça reste une alternative à analyser. OK. Vous avez parlé de baisser le budget. Si vous parvenez à baisser le budget, l'argent, vous quand même, vous pourriez en avoir une pour une ressource, cette ressource-là aussi, non? Bien, l'idée, c'était ça à la base. Hein? C'est-à-dire que si on maintient dans quatre événements vélo les mêmes cadres, mettons qu'on maintient les mêmes cadres budgétaires ou on réussit à rationaliser dans le cadre budgétaire parce que il y a une économie d'échelle, ben ça nous permet de se doter d'une ressource. L'autre chose aussi, c'est que, comme je vous disais tantôt, il y a une précarité par rapport à ça. C'est-à-dire que quand ton bénévole principal qui porte ton événement commence à être à bout de souffle, ça crée une précarité sur ton événement. Puis là, on se ramasse avec des événements qui sont à levier de développement économique touristique, qui tiennent que sur du bénévolat. Donc, il faut s'assurer qu'on a une permanence là en place pour être capable de les sauvegarder. Une fois que c'est mis en place, il faut réussir à le sauvegarder. Puis tantôt, je faisais le parallèle avec le motoneige. Vous savez que motoneige, là, 106 millions de retombées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça tient principalement sur des bénévoles. Il y a un questionnement de fond là à faire sur ces dimensions-là. C'est beau de pouvoir compter sur le bénévolat pour le développement de nos communautés, mais à un moment donné, les gens s'essoufflent puis les gens vieillissent également. Hein? Mmh. Oh, c'est sûr, c'est comme dans toute activité, hein. Il faut avoir une relève. Monsieur Sabin, je veux te parler aussi de ton complexe d'une piscine à Robertval. On a annoncé ce matin à Dolboom-Cessny que sur 1,5 million qu'on cherche dans le milieu, il y a 750 000 qui est trouvé. À Robertval, où s'en est rendu le projet? On s'était parlé à la conférence de Pierre Vercheval. 8 mois plus tard, on s'en est rendu où? Ben, l'orientation qu'on tente de prendre, c'est en discussion avec la commission scolaire. Donc, nous, de notre côté, c'est un projet qui est demandé pour, à notre sens, par une bonne partie de la population. Puis les projets aquatiques, vous savez, c'est des projets qui sont très démocratiques. C'est accessible à tout le monde sur le plan sportif, les activités aquatiques. Donc, c'est important là, de se préoccuper de ces dimensions-là. On a, nous, sondé les gens qui pratiquent des activités aquatiques dans nos milieux, puis les gens de Robertval, puis à savoir, c'est quoi vos attentes, là? Mais pas au désir, là, mais aux besoins. Quels seraient nos réels besoins, là, pour être capable de parler, d'avoir une infrastructure qui a de l'allure, puis éviter là, d'être dans des cadres financiers qui excèdent la capacité de payer. Fait que, à partir de ce moment-là, on a rencontré la commission scolaire et la commission scolaire a présenté une belle ouverture à déposer le projet au ministère de l'Éducation lorsque les spécifications retenues pour un futur projet à Robertval seraient définies. Fait que on a travaillé avec Martin Johnson, qui est le même, qui est le même consultant que celui de Dolbeau, pour définir ce que j'appellerais un projet raisonnable là, pour raisonner et raisonnable pour Ville de Robertval. Et probablement avant les fêtes, on va déposer là, les spécifications qui nous apparaissent à convenance pour la communauté, aux gens de la commission scolaire. Si de leur côté, ça leur apparaît également un projet qui est censé, on va appuyer pour qu'ils déposent là dans le nouveau fonds d'infrastructure qui a été présenté par le gouvernement du Québec en novembre dernier. Donc c'est là qu'on est rendu. Évidemment, si c'est la commission scolaire là ou le ministère de l'Éducation qui reste propriétaire de l'infrastructure, toutes les municipalités travaillent avec des ententes de partenariat, des ententes de services sur les infrastructures. Donc nous, on a une concentration au hockey là, au niveau de la cité étudiante de Robertval. On a un complexe sportif flambant neuf, donc il bénéficie de ces infrastructures-là. Donc, dans le même sens, là, dans une entente de partenariat de service avec la commission scolaire, avec un éventuel complexe aquatique, on va s'entendre avec eux sur un partage des coûts d'opération. Okay. Donc, le projet est rendu à cette étape-là, mais vous l'avez vu, hein, à Dolbeau, là, c'est des projets ambitieux, puis c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on peut penser que ça va être un peu comme Dolbeau, 17 millions? On travaille sur un cadre financier plus petit que ça. Déjà, qui serait de combien à peu près? On voudrait rester autour d'un cadre de 12 millions. Pour dire que c'est faisable. Mais Vous savez, l'identité de Robert Val, c'est l'eau, évidemment, c'est le lac, mais c'est aussi les compétitions sportives, aquatiques. Donc, ce qui est sorti des consultations qu'on a avec la population, c'est de dire, ben faites-nous un bassin de 25 mètres fonctionnel pour recevoir là des équipes de natation puis des équipes de nage synchronisée. On avait plus ça comme ça, là, mais je me rappelle plus du nouveau terme. Puis une infrastructure qui est capable de répondre aux besoins de la population en général, les jeunes et les aînés, pour le plan récréatif. Puis ça fera l'affaire. Donc on va probablement essayer de rentrer dans un cadre un petit peu plus raisonnable avec une infrastructure peut-être un peu moins flamboyante que celle de Dolbeau-Mistassini. OK. On va surveiller ça de près avant les fêtes. Donc c'est très très bientôt qu'on devrait avoir des nouvelles. C'est les fêtes, En fait, avant les fêtes, on veut rencontrer les gens de la commission scolaire pour leur présenter où est rendu le dossier pour qu'ils puissent, eux, là, tout de suite l'an prochain déposer dans le programme si c'est à leur convenance. Évidemment, vous savez, un projet de 17 millions comme Dolbeau-Mistassini, puis une douzaine de millions pour Ville-Robert-Val, c'est énorme. Là. On a refait notre aréna flambant neuf au grand complet pour 8 millions de dollars. Donc, ça vous donne une idée comment c'est des projets imposants pour les municipalités. C'est pour ça que c'est pas des choses qui peuvent se régler puis se mettre en place là à l'intérieur de 6 mois. Hein. Mais c'est une chose qui est sûre, on sait que la volonté de la population est là. Fait que nous, de notre côté, on fait avancer le projet puis on veut réussir à ce que les gens puissent avoir une infrastructure de qualité avant longtemps. Vous avez-tu l'intention de faire comme Dolbeau-Mistassini puis solliciter le milieu des affaires, solliciter le milieu, même monsieur tout le monde? Parce qu'à Dolbeau, on est rendu là. Ben, Dolbeau, ça va être une infrastructure municipale. Comme je vous dis, la première volonté qu'on a, nous, c'est que ça reste une infrastructure du ministère de l'Éducation, donc ce serait le gouvernement du Québec qui serait propriétaire. La question qui va se poser dans la presse, c'est quels sont les coûts d'opération, puis quelle proportion on veut faire assumer aux gens de Robert-Val, aux gens du milieu, aux gens du territoire, parce que la cité étudiante de Robert-Val dessert quand même 50% des municipalités de la MRC Domaine-du-Roi. Donc, ça devient aussi des infrastructures supralocales. Donc, dans le cas de Dolbeau-Mistassini, la MRC est là pour une partie de la contribution également. Mais je ne pense pas que dans un monde idéal, les élus de Dolbeau-Mistassini auraient voulu aller en campagne de souscription. Donc, c'est un peu un concours de circonstances. C'est que si on peut éviter ça, c'est sûr qu'on va l'éviter. Un PPP, est-ce que ça, c'est une possibilité? C'est difficile à rentabiliser, mais ça peut être une alternative. Mais c'est difficile à rentabiliser pour le privé. Ce ne sont pas des infrastructures qui sont rentabilisables. Je vous dirais, un aréna dans nos municipalités, les arénas, les complexes aquatiques, c'est très, très, très difficile de penser qu'il pourrait y avoir un privé intéressé à intervenir dans ce cadre-là. OK. Ben, ça bien côté, on suit le dossier d'après. Merci beaucoup. Puis on se rappelle peut-être même la semaine prochaine concernant le dossier de la traversée. C'est un dossier qu'on va suivre. Toujours un plaisir, M. Veilleux. Le maire de Robert-Val, ça bien côté.